Enseignement par le vénérable Sayadaw Unnanujjota, retraite de méditation Vipassana 2018, centre d'Amarantsi. Aujourd'hui, Sayadaw va poursuivre son enseignement à propos des quatre méditations protectrices. Il en a parlé déjà et a mentionné la première, Buddhanusati, la deuxième, Metta-Bhavana, et aujourd'hui nous allons aborder la troisième et la quatrième, Asubha-Bhavana et Marana-Nusati. Vous souvenez-vous des quatre méditations protectrices desquelles nous avons déjà parlé lors des séances précédentes? Number one. Buddhanusati. Number two, Metta Bhavana. Number three, Asubha Bhavana. Number four, Marana Nusati. La première de ces méditations protectrices, c'est donc Buddhanusati. Il s'agit de se remettre en mémoire, de se focaliser, de contempler les vertus du Bouddha. Vous pouvez le faire devant une statue du Bouddha ou une image du Bouddha à laquelle vous allez essayer de donner vie en lui insufflant ses qualités. Pour ce qui est de la deuxième méditation protectrice, Metta Bhavana, il s'agit d'envoyer des pensées bienveillantes à la totalité des êtres vivants partout dans l'univers. Et vous êtes inclus dans cette totalité des êtres vivants. Aujourd'hui, nous allons parler de Asubha Bhavana en premier lieu. L'opposé de Asubha, c'est Subha. Subha veut dire de bonne qualité. Asubha veut dire cadavre, quelque chose qu'il n'est pas agréable de regarder, qu'on ne souhaite pas voir. C'est la signification de Asubha. En général, on n'aime pas regarder un cadavre. Mais en fait, si vous regardez attentivement le corps vivant, il n'est pas beaucoup plus agréable à regarder. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, que voyez-vous ? Voyez-vous quelque chose d'agréable, quelque chose de beau? Vous voyez votre chevelure et vous la trouvez belle. Votre corps est recouvert de jolis vêtements et tout cela vous apparaît comme pas mal du tout. Et même si vous n'avez pas de cheveux, que vous êtes chauve, comme les moines par exemple, ils se trouvent malgré tout très beaux. Les cheveux ne constituent qu'une des parties du corps. Selon l'enseignement du Bouddha, il y a 32 parties dans le corps. Lorsque vous contemplez ces 32 parties du corps assemblées, elles vous apparaissent comme belles. Mais si vous les contemplez chacune séparément, quelle sera votre réaction, pensez-vous? Si vous regardez les cheveux séparés du corps, qu'allez-vous penser? Comment ressentez-vous cela? Il y a donc 32 parties du corps, les cheveux, les poils, les dents, les ongles et la peau. Ces 5 composantes sont les 5 premières de la série des 32 parties du corps. Lorsque ces 32 parties du corps sont assemblées, vous les trouvez belles et vous les reconnaissez comme étant un homme, une femme, etc. Mais si vous les séparez, que vous les regardez chacune séparément, elles ne vont plus vous apparaître comme belles. Si vous voyez une personne sans cheveux, sans dents, sans ongles, est-ce qu'elle va vous apparaître comme belle? Vous pensez avoir de très belles dents, mais imaginez que vous deviez aller chez le dentiste, il vous enlève l'une ou l'autre de vos dents. Est-ce que vous continueriez à la trouver belle, cette dent? Et si vous deviez retrouver un de vos cheveux dans la soupe, quelle serait votre réaction? C'est un peu comme si vous voyiez une voiture toute neuve qui fonctionne bien, elle vous apparaît comme très jolie. Mais si vous deviez la décomposer en ses différentes parties, ce serait autre chose. Cette jolie voiture aurait disparu. Si donc vous vous regardez dans un miroir sans être vraiment attentif, sans voir de façon pénétrante ce qu'il y a là, vous allez prendre cette image comme belle et vous allez vous y attacher. C'est le début de l'attachement. Vous ne voyez pas les différentes parties séparément, vous les voyez assemblées et c'est pour cette raison que vous les trouvez belles, vous trouvez cette image attrayante. Et c'est le début de l'attachement. Le méditant qui pratique cette méditation devra donc essayer de tout voir séparément, de voir toutes les parties du corps séparément. Ceux qui sont très attachés à leur propre corps, qui le trouvent beau, auront sans doute de la difficulté à pratiquer cette méditation. Mais le Bouddha ne prononce jamais que des paroles bénéfiques. S'il a donc enseigné cette méditation sur les 32 parties du corps, c'est parce qu'elle vous sera très bénéfique. Il est important de pratiquer cette méditation parce que, au cours de votre cheminement vipassana, il est possible que lorsque vous aurez atteint les stades plus avancés, vous ayez des visions d'une personne du sexe opposé. Il est possible que ceci vous perturbe et que votre méditation en soit affectée. Si le yogi a l'habitude de pratiquer cette méditation asubha, il ne sera pas trop affecté par ces images attrayantes. Imaginons par exemple que l'image d'un acteur ou d'une actrice que vous aimez tout particulièrement vous vienne à l'esprit pendant la méditation. Si vous vous laissez emporter par ces images et que vous vous y complaisez, elles pourraient devenir très dérangeantes pour la méditation. Vous serez arrêté dans votre progression. Comment allons-nous pratiquer cette méditation? Nous allons tout simplement passer en revue les 5 premières parties dont il vient d'être question. C'est le début de la série des 32. Vous contemplez les cheveux, les poils, les dents, les ongles et la peau. Vous les contemplez de façon répétée. C'est le début de la pratique de Asubha Bhavana. Soyadu voudrait vous raconter une histoire en rapport avec Asubha Bhavana. Il y avait un moine qui vivait tout seul dans la forêt. Un jour, une jeune femme qui s'était disputée avec son mari passa devant sa résidence. La jeune femme était très agitée, mais lorsqu'elle vit le moine, elle essaya d'attirer son attention en riant bruyamment. Le moine vit alors les jolies dents de cette femme. Il se mit alors immédiatement à pratiquer Asubha Bhavana à partir des dents. Il poursuivit alors sa contemplation des 32 parties du corps. Il progressa dans sa méditation et atteint l'état de noblesse. Et il passa ensuite à la méditation sur les squelettes. Il contempla cette jeune femme sous cet aspect de squelette, progressa dans sa méditation et devint un être noble. Le mari, qui courait après sa femme, passa lui aussi devant la résidence du moine, et lorsqu'il le vit, il lui demanda « Vénérable, auriez-vous vu passer une femme ?» Et le moine répondit qu'il avait effectivement vu passer un squelette, mais qu'il ne savait pas si c'était un homme ou une femme. C'est de cette façon que vous devez méditer. Lorsque vous voyez quelque chose, vous devez tout simplement noter, voir. Vous ne devez pas vous investir dans cette vision. Si vous entendez le chant des oiseaux, si vous voyez de jolies fleurs, vous vous contentez de noter, entendre, voir. De façon à ce que ces sons ou ces images ne laissent pas de traces en vous. Nous en arrivons maintenant à la quatrième méditation protectrice, Maranānusati, le souvenir de la mort. Ceci veut dire que vous devrez constamment avoir à l'esprit le fait que vous allez mourir. Vous devez réfléchir à la mort avant d'être mort. Y a-t-il ici dans l'assemblée des personnes qui n'ont pas peur de la mort ? Personne n'a envie de penser à sa mort. Personne ne désire savoir à quel moment il va mourir. C'est une attitude très répandue. Personne n'aime parler de la mort et personne ne souhaite expérimenter la mort. Au moment où vous mourrez, c'est la fin, vous aurez tout perdu, vous allez tout perdre. Pensez-vous que ce soit agréable? Avez-vous envie de penser à ce moment-là? La vie est-elle plus certaine que la mort ou est-ce la mort qui est plus certaine que la vie? Imaginez quelqu'un qui soit victime d'une maladie grave. Il est sur son lit de mort, il espère encore toujours pouvoir reprendre vie, recommencer à vivre. Mais est-ce certain? En réalité, la vie n'est pas certaine. Par contre, la mort est certaine. La mort peut se produire à n'importe quel moment, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans une semaine, dans un mois. La vie n'est donc jamais certaine. Si nous sommes encore en vie en ce moment, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas été écrasés par une voiture. Si nous avions été écrasés par une voiture, nous serions morts, c'est certain. Le Bouddha nous dit, la mort est certaine. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et il faut contempler ce caractère inévitable de la mort. La mort peut se produire très rapidement, le temps d'étendre le bras, en un claquement de doigts. La mort est très rapide. Vous inspirez et si cette inspiration ne se prolonge pas par une expiration, si l'air ne sort plus du corps, vous êtes mort. Il y a une expression qui dit « la mort est plus proche de vous que demain ». Ceci veut dire que il n'y a que quelques heures qui vous séparent du lendemain. La mort est plus courte que ce laps de temps. La mort est plus proche de vous que le lendemain. Quel est le bénéfice qu'amène cette méditation sur le caractère inévitable de la mort? Si vous êtes convaincu du caractère inévitable de la mort, au cours de votre vie, vous allez faire des bonnes actions. Vous voudrez faire des choses positives au cours de cette vie. Vous voudrez par exemple pratiquer la méditation vipassana avant cette échéance. Vous voudrez aussi pratiquer le don, dana, avant de mourir. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de temps à perdre, que toutes ces actions positives doivent être faites au cours de la vie, avant que la mort ne survienne. Si donc vous pratiquez cette méditation, Maranānusati, vous allez faire des bonnes actions au cours de votre vie présente et en conséquence, vous vous assurez une bonne renaissance. Si vous pratiquez la méditation vipassana par exemple, vous allez créer du bon karma et ce bon karma va vous permettre de reprendre naissance dans un bon plan. Ce sont des actions méritoires qui engendrent du bon karma. Les débutants auront sans doute beaucoup de problèmes au niveau du corps. Ils auront beaucoup de douleurs. Ils doivent essayer de les observer sans bouger, courageusement. Leur pratique de Mahananusati va les aider en ce sens qu'ils auront plus de courage pour supporter l'inconfort. Ils pourront observer la douleur sans bouger, courageusement. Ils vont ainsi développer leur concentration et en conséquence, la sagesse va apparaître. Sayadé vous encourage à faire preuve de courage, à être patient face à la douleur et de l'observer sans bouger si possible. Cela va vous permettre de progresser très rapidement. N'ayez pas peur de le faire. Les grands sayados ont l'habitude de dire « Personne n'est jamais mort en méditation ». N'hésitez donc pas à faire preuve de courage et à persévérer dans votre observation de la douleur sans bouger. Dans la vie de tous les jours, il arrivera bien souvent qu'on fasse des actions déméritoires. Mais ici, lorsqu'on participe à une retraite comme celle-ci, ce sont des actions méritoires que l'on accumule. Sayadé vous encourage donc tous à faire preuve de courage et de persévérance dans votre effort. Comment allons-nous pratiquer la méditation sur la mort? Nous allons tout simplement nous remettre en mémoire le fait que la vie est incertaine et que la mort est certaine. C'est de cette façon qu'il faut pratiquer cette méditation. Vous allez le faire au cours de votre première séance de méditation de la journée, pendant une minute environ, comme cela a déjà été expliqué pour les autres méditations protectrices. Et lorsque vous serez rentré chez vous, vous pouvez là aussi pratiquer ces quatre méditations protectrices pendant environ 5 minutes en leur consacrant à chacune une minute. Cela vous sera très bénéfique dans la vie. Si vous prenez l'habitude de le faire, cela va vous permettre de vivre correctement et d'éviter les actions déméritoires au cours de votre vie. Vous ferez beaucoup d'actions positives, des actions méritoires, et tout ceci va vous permettre d'accumuler du bon karma. Souvenez-vous, il est possible que vous vous réveilliez le matin, que vous sortiez pour aller travailler, mais que vous ne reveniez jamais. La pratique des quatre méditations protectrices vous sera donc très utile. Sayadé voudrait vous dire qu'il souhaite vous revoir tous ici l'année prochaine. Évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas être garanti. Ce n'est pas une certitude, vous pourriez être mort entre-temps. Demain est incertain, après-demain l'est encore plus, donc Sayadé vous encourage à pratiquer cette méditation et à le faire le plus possible. Sayadé va conclure son enseignement en répétant une fois de plus qu'en pratiquant les quatre méditations protectrices, vous allez accumuler des actions méritoires, des mérites, vous allez éviter les actions déméritoires. En d'autres termes, ces quatre méditations vont vous protéger, vous garder. Puissiez-vous tous être capables de poursuivre votre méditation et particulièrement les méditations protectrices chaque jour et progresser. Sadhu, sadhu, sadhu.